Alastair Sin, de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM! Et bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylvain, bonsoir Slasher. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Scream. Bonsoir Slasher, auditeur, auditrice. Voilà, Sylvain est de retour, le comeback du retour avec ses mitaines. Il ne fait pas froid pour toi dans le studio. Hein. Bon, écoute, j'ai un petit peu froid. Moi, voilà. Mais c'est marrant, même moi j'aimais bien les mitaines. J'avais des mitaines quand j'étais jeune, bouffant, en sky. Ah, j'en ai en dentelle, moi, et tout. Hein. Oh, non, pas en dentelle, moi, quand même, pas en dentelle. Ça durait bien, avec ton petit doigt. C'était en sky, tu vois, pas en cuir, hein, bon. C'était... Et avec des clous, ça faisait marrant. Ah bah j'en ai toutes les sortes, moi j'en ai en cuir, en dentelle. Mais quand tu mets des mitaines, t'as quand même froid le bout des doigts. Ah ouais, c'est ça qui est marrant, quoi. Ça, c'est clair. C'est ça. Bon, vaut mieux avoir froid le bout des doigts que le bout d'autre chose. Non, allez, bon, en forme sinon. C'est bizarre. Ouais, écoute, ça va bien. Voilà. Et toi, Sacha, en forme? Oui, oui, très très bien. Alors, au programme de l'émission, il y aura la Sylvain Song aussi. Et tout à fait, j'ai encore tes pâtés dans mon choix. Oui, je. Bon, normalement, elle n'a pas été voir du Rammstein, elle n'a pas été voir du YNT, elle n'a pas été voir du Garage Day. Donc, ce sera une surprise épatante. Slasher, à mon avis, c'est peut-être d'actualité avec le Slasher, vous verrez pourquoi. Mais je ne dis rien. Ça aussi va t'épater. Ouais, c'est un petit peu d'actualité aussi. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Bon, on fera le menu découverte. Et nous aussi beaucoup de nouveautés, beaucoup beaucoup de nouveautés, énormément. Quoique, on va arriver tout doucement vers nos points habituels. Hein, c'est fin d'année, on va avoir notre classement. Oui, notre classement de. On va voir. Je sais pas si on va faire 5 ou 3 albums, parce que on a demandé à Rico de. Je sais pas, il nous pète un steak, le Slasher. Je sais pas, il fait son micro de droite. Je sais pas. À gauche. À droite. De la fit. Donc, je sais pas, parce qu'on a demandé à Rico de venir, parce qu'il passe aussi du métal. Mm-hmm. On a demandé à Bruno, qui fait une émission le dimanche, et à Slep, Nico. Donc, on sait pas si on aura le temps de passer tous les albums. C'est pour ça qu'on va peut-être limiter à 3 albums ou 5, je sais pas, on va voir. Il y aura aussi la haute du Père Noël. Les cadeaux commencent à arriver. Des bons. Oui, on en a déjà une belle paire. Hein. Il y en a déjà une belle paire de cadeaux. donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire des tirages, 6 tirages par lundi. Pour les paires. On va faire un calendrier de l'avant, mais l'après du pendant. C'est un peu spécial, mais voilà, ils vont dire des numéros, l'après du pendant. Ils pourront dire par exemple le 4 et on sera peut-être le 10. Voilà, c'est ce que bon, je veux dire. Faudra suivre. Oui, il faudra suivre avec moi. C'est compliqué. Mais je suis pas tout seul. Très fort en mathématiques, là. Voilà, mais bon, il y a des beaux cadeaux. Ouais. Tout gagnant aura au minimum un CD, si pas deux. D'accord. Donc voilà, c'est déjà pas et mal. Et pas en gagner 6 Non, bah, gagner 6, il faut quand même pas être gourmand, il faut en laisser pour les autres. Je sais. Voilà. Et bien entendu, on retrouvera la balade crapuleuse aux alentours de 21h. Comme d'habitude. On va commencer avec. Une nouveauté. Bah, à ton avis. Antus avec Silent Agony, c'est le titre de l'album et c'est Raising Kingdom. Franchement, méga méga surprise. La cover, la pochette, elle est sur la page Rive d'Enfer. Rive d'Enfer. Et vous pouvez, franchement, on retrouve aussi la pochette hein, sur la page. Ah. Il suffit de taper Rive d'Enfer, plouc, et c'est bon. Voilà. Bien entendu, on vous rappellera les règles. On commencera début décembre le fameux calendrier de l'avant, de l'après, du pendant. D'accord. Wow. C'est qui se déguise en Père Noël ou en Mère Noël cette année? On fera le tirage au sort. Moi, je me déguise en Père Slasher. Et en Mère Noël. Slasher, il pourrait peut-être se déguiser en lutin. Ouais, parce que moi, j'ai déjà fait une fois. Donc Il pourrait peut-être se déguiser en lutin, le Slasher. Ouais, ça lui irait bien, je trouve. Voilà. Petit lutin métalleux. Et on aura bien entendu le fameux single, le jingles. Hein. Vous mettre peut-être en appétit. Hein. Par exemple, si vous vous souvenez correctement, le jingles de Noël, si vous vous souvenez l'année dernière, hein, c'était ça. C'était ça, attendez. Hein. Ça, c'est non. Le direct. C'est du direct. Ouais, c'est du direct. Hein. C'est non. Toujours comme ça. Mais c'était ça, si vous vous souvenez. Thank you. Voilà, donc ce sera l'aperçu quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous avez rien entendu, j'ai pas coupé les micros. Oui, on entend le son de cloche, là, c'est tout. Donc. Voilà, donc ce sera le jingle que vous entendrez à partir du mois de décembre, tous les lundis. D'accord. Et ce sera le moment qu'il faudra nous jouer. Voilà. Allez, Antéus, c'est maintenant, c'est tout de suite avec Raising Kinnon. Et franchement, c'est une première surprise. Thank you. Risen Kingdom, les amis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai adoré. Je trouve que ça commence très très bien, hein, l'émission. Ah, pourquoi ça, des fois ça commence pas bien? Si. Il fait peur, le slasher, aujourd'hui. Et toi, Sylvain, tu as bien aimé. Bien, hein, c'est pas mal. Hein. Le prochain, je crois que vous allez aimer aussi, c'est The Fallen King. L'album s'appelle A Battle One. Et on va s'écouter, le groupe s'appelle Binary Creed. C'est encore une petite nouveauté. On est vraiment gâtés. Même pour cette fin d'année, je crois que ça va être dur de choisir les albums. Est-ce que vous avez déjà votre petite idée éventuellement d'album, les amis? Franchement, aucune idée. Aucune idée pour le moment. Non, et toi, Stacha? Bah, mon album nouveauté, j'ai pas acheté grand-chose cette année. Non, mais ce que tu as écouté, parce que on les a sûrement peut-être même en téléchargement, qui t'aurait botté plus que d'autres, un album qui t'aurait botté plus que d'autres. Bah, je veux pas avoir maintenant, mais je veux dire, est-ce que tu as déjà une piste? C'est ce que je demandais, quoi. Bah, je sais pas si c'est des albums de 2016 déjà. Mmh. Ça sera peut-être plus le top 3 concerts. Top 3 concerts, toi. Ouais. Qu'album? Album, j'ai pas trop. J'ai mon petit nez qui me dit qu'il y en a déjà un dans le top. Ah, moi, le premier, tu sais qui? Bah, je sais, je me doute. Ah, quoique, je pourrais peut-être me tromper. Si, je pourrais peut-être me tromper. Si, peut-être. Enfin, on verra bien. Je les ai vus en 2015, hein, si c'est ce que tu penses. Ben, c'est ça que je pensais, donc. Ben non, c'est 2016. C'est, voilà. C'est ouais, mais bon, tu sais, moi, je suis pas tout seul. Hein, j'ai un petit... Voilà. Ah, sinon, je vais remettre Garage Days. Ça fait 2 ans, mais c'est pas grave. La bonne nouvelle pour Garage Days, j'en profite, ils sortent une date. Alors, pour les chanceux qui sont à la frontière italienne ou nos amis italiano, ils passent le 12 décembre à Milan. Ah oui, j'ai vu ça. À Milan. Milan en Italie. C'est un peu loin pour nous quand même, à Milan. Bah, en billet d'avion, ça va vite, mais bon. Oui, après bon. On pourra se faire peut-être un petit trip. Ouais, le slasher, lui, c'est... si vous voulez offrir un cadeau au slasher, c'est un boulier compteur. Bah, disons que bon, je suis contente pour eux, hein, c'est sûr, mais bon, ça aurait été sympa, une date pas loin de chez nous. Quoi. Ouais, mais bon... Ça va peut-être venir. Et toi, Slasher, t'as déjà une petite piste sur des albums, peut-être? Une, oui. Ok, bon, on va pas demander quoi maintenant. On verra bien. Allez, Binary Creed, c'est tout de suite avec The Fallen King. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est là. Man. Ah, c'est du bon, hein, tout ça. Hein. C'est du bon, c'est du bon. Voilà, c'est du bon, c'est du bon, c'est du très bon. Bonbon, bonbon. Ça donne faim quand on parle de bonbon. Enfin, là, c'est encore une nouveauté. C'était Binary Creed. Hein. Encore une fois, la cover, elle se retrouve sur la page Rive d'Enfer. Voilà. Donc, on était en train de discuter hors antenne comme ça. Hein. On se demande qui va être notre coup de cœur. Et aussi, moi, ce que j'attends aussi, c'est nos confrères, hein, nos amis animateurs, hein, Rico, Bruno et Slep, qui ont carrément des goûts différents et des univers différents, surtout. Ouais. Je sais bien que Nico, c'est plus dans le hardcore, metalcore. Mm-hmm. Bruno, un peu plus dans le brutal aussi. Hein. Il est plus spécialisé que moi en brutal et dans autre chose aussi. Et Rico, c'est un peu dans du tout et du n'importe quoi en métal aussi. Donc, ça risque d'être fort, fort assez agréable et très éclectique. Voilà. Le prochain, il est tout frais, il est tout chaud, il vient d'arriver. L'album s'appelle Dridge from the Archon, c'est Diabolus in Musica. Et on avait déjà été surpris par l'album précédent. Pardon. Oui. Diabolus in Musica, c'est quoi? C'est le titre de l'album ou C'est l'artiste, c'est le groupe d'artistes. Ouais. Diabolus in Musica, et le titre qu'on va s'écouter, c'est Crimson Gale. Et tout de suite après, vous retrouverez la Slasherson. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Slasher? Je tiens une info pour ceux qui ne le savent pas. Pour les fans d'Halloween, Halloween va tourner avec Michael Kitsky et Kane Hansen. Mm-hmm. Ben, c'est pas mal, et figure-toi que, en parlant de Michael Kitsky, il y a un nouveau duo qui est arrivé avec le chanteur Lucas. Lucas, le chanteur de... je dis Lucas parce que c'est un ami, mais son nom... Infinita Sinfonia. Le chanteur d'Infinita Sinfonia. Il y a un nouveau duo qui arrive, donc un nouvel album aussi qui va nous faire plaisir. Voilà, peut-être donc une petite tournée. J'aimerais bien, parce qu'Infinita Sinfonia, c'est quelque chose de très bon, mais malheureusement, il tourne énormément en Italie, groupe italien, fatalement. Mmh. Et encore une fois, c'est encore dur, aussi bien avec Garage Day que d'autres groupes, de venir s'implanter un peu en France et pouvoir faire une tournée sans être trop... Disons, des fois, c'est malheureux, ils font toute l'Europe et pas la Belgique et la France. Voilà. Je sais pas, pourtant, en Belgique, on a du bon chocolat et en France, on a du bon fromage. Et du bon pinard. Je n'incite pas à la boisson. Donc voilà. Voilà. Allez, Diabolus in Musica avec Crimson Gale, et après tout de suite, c'est la Slasher Song. un artwork très très bien travaillé quand même, le nouveau Diabolus in Musica avec Crimson Gale. Franchement, l'artwork il est génial. Alors, on retrouve le slasher. Oui, oui. Et qui va nous parler un petit peu de sa slasher song. Pourquoi cette song? Ben, je vois pas d'ici. Elle a pas mis ses lorgnons. Ah, voilà. On est des vieux, nous. On est des vieux, nous. On a besoin des grandes jumelles. Surtout profitez-en aujourd'hui quand vous allez sortir. Il y a la lune. La super moon. La super lune, 14% plus grande que d'habitude. Ce sera l'occasion d'écouter du Moonspell. Ah, ben bah voilà. Du Moonspell, oui, surtout. Ouais, surtout. Full Moon Madness. Full Moon Madness. Allez, mais c'est pas ça. Allez, c'est quoi? Alors, oh là là, comme par hasard, c'est intéressant. Donc là, le groupe, c'est un groupe que j'ai choisi pour deux solutions. C'est le groupe Manowar. Et donc, pourquoi j'ai choisi déjà une solution, parce que normalement, ils viennent au Wildfest 2017. Donc, en plus, c'est normalement leur tournée d'adieu. Ouais, normalement. Et aussi, car j'ai une petite surprise en cours hein, de musique. Vous savez bien, en musique, c'était tout, et même pas du métal, mais classique et tout. Et là, ma prof m'a passé du Manowar. D'accord. J'étais assez surpris. C'est Fight on the Bumblebee, le solo du guitariste. Mm-hmm. Donc maintenant, Manowar est un groupe de heavy metal traditionnel originaire d'Auburn, dans l'état de New York, aux États-Unis. Donc là, on va s'écouter la chanson Carries On, donc de l'album Fighting the World, sorti en 1987. Et donc, dans les membres, il y a Eric Adams au chant et au chœur, Joey D'Amaio à la basse, à la guitare, au clavier, à la guitare classique, Donny Amins à la batterie et percussion, et Carl Logan à la guitare, au clavier et à la guitare classique. Donc on va s'écouter la chanson Carries On de l'album Fighting the World. Ce qui est marrant avec Manowar, c'est un des seuls groupes qui reste à jouer le plus fort. Avant, c'était Motorhead qui jouait très très fort. Ouais. Et Manowar a toujours été classé dans les groupes à jouer très très fort. Et pour les nénettes qui ont eu l'occasion de voir Manowar à leur début, c'était bien musclé. Ils arrivaient avec des peaux de bête, c'était assez marrant. Maintenant, bon, des poids absents. Leur dans les peaux de bête, ils se déponient. C'est des peaux, ouais. Elles sont perdues. Mais bon, j'espère que c'est pas leur tournée d'adieu, parce qu'ils ont quand même fait, ils feront du bon quand même. Allez, Asher, je te laisse annoncer. Donc c'est Manowar avec la chanson Carries On de l'album Fighting the World. Hello, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. The star always guides me when winter skies are gray, and I wait for the sun when all are one. I shall not betray, calling at me. I'm waiting when all. Carry on, my song is forever. Carry on when I am gone. Carry on for when the day is gone. Voilà, donc c'était Slasher. Donc c'était... C'était pas le Slasher qui chantait, mais c'était... Carrison, pardon. Donc c'était Manowar avec la chanson Carrison de l'album Fighting the World. Voilà, maintenant on va passer à un album qui s'appelle tout simplement Master of Light. Mm-hmm. Le groupe, bon, on en parlait justement en rantaine tout à l'heure, on a vu le batteur qui exerçait aussi dans le groupe Iron Mask. Oui. C'est le batteur de Freedom Call. Parce que c'est, on se disait, bah, c'est qui? C'est pas possible, il nous est pas inconnu. Et on est, en effet, quand il a offert la baguette au Slasher, mm-hmm. il était marqué Freedom Call. Donc c'est le batteur qui officie dans les deux formations. L'album, il est arrivé, donc il s'appelle Master of Light. Et on va s'écouter donc le titre éponyme de cet album, Master of Light. Et on se retrouve tout de suite après. Bah après. From fear I deny what I've seen in the night. Darkness around me, a glimpse, tale of the truth will it fail. A phobia is rising now. Oh, Master of Light, c'est le nouveau Freedom Call, ben pas mal du tout. Un peu épique, c'est du power, hein. Ouais. Ça reste du power. Bon, on aime, bon on aime. Freedom Call comme d'habitude. Bah, il y en a qui aiment pas le power. Bon, c'est ça bombarde bien. On les avait vus, je crois, en première partie de Sonata. C'est ça, on les avait vus en première partie de Sonata. D'ailleurs, ils sont tous super sympas, l'un que l'autre. On les avait croisés. Écoute celui-là. Ouais, bah, vous avez raison, écoute. Ouais. Bah, c'est vrai que jusqu'à présent, franchement, dans toutes les expériences métal qu'on a eues, on a rencontré que des personnes pratiquement sympas, à part deux ou trois, qui on sait très bien que c'est de par leur caractère, on sait très bien ouais. que ça sert Exactement. À rien. Exactement, c'était même pas la peine de les approcher. Voilà, rien voilà. qu'au regard, on avait compris. On avait compris. Et quand on sort, en plus, qu'on crie « no picture, no picture », on a compris. Voilà. Ah, no picture, no picture. Mais ça, on le sait bien. Mais c'est vrai que tous les groupes, aussi bien des big groupes que des mini-groupes, pour moi, ils sont tous pareils. Ils ont le courage de chanter et d'affronter un public. Ben, c'est bien. On a mm-hmm. vraiment toujours si, rencontré... Il faut être courageux à monter ouais. sur scène, tout ça, c'est pas toujours ouais. évident. Et se prendre des fois des remarques. Oui. Par des gens qui ne font pas de la musique et qui se permettent de critiquer. De critiquer, exactement. Et ça, on en connaît. Ah oui. Et on en connaît. Bah, qui montent leur groupe. Ouais. Qui montent leur groupe et qui le fassent. Ouais, voilà. Et qui le fassent. Voilà. Non, mais c'est vrai que le Slasher a bien fait de le souligner. On a toujours rencontré des gens super charmants. Et ma seule réflexion qu'on pourrait faire, c'est aussi en France qu'on pourrait un peu fonctionner comme. Dans les cafés, concerts en Belgique, ouais. pouvoir laisser l'ouverture après pour les gens, pouvoir se restaurer ou même boire un coup et peut-être aussi pouvoir parler plus longtemps avec le groupe voilà. que de rester dehors en hiver. Mmh. Voilà. Mais bon, c'est aussi. Après, c'est une c'est le réglementation, quartier. Encore une et fois. Puis c'est le quartier aussi. C'est pour ça, c'est les gens du quartier qui vont se mettre. Ouais, voilà, il y a une réglementation. Tout à fait. Allez, Andy! C'est dis-moi oui, Andy, non, c'est pas ça, non. Vous ne vous agacez pas. C'est pas l'Erita Mitsuko, mais Andy c'est Andy. C'est pas Andy Deris non plus. Andy Deris. Andy Cerise non plus. Mais c'est Andy Rock, tout simplement. Ah oui. L'album s'appelle oui. This Time. Encore une fois, une bonne petite surprise. C'est un peu de l'AOR. Et ça risque peut-être de vous plaire, franchement, les D'accord, amis. D'accord, on est en train de se moquer de toi. Non, mais je sais, mais bon, il n'y a pas de problème. Pas de problème, les amis. Pas de problème. Pas de problème. Allez, c'est parti. Control. Nothing is left except your promises. C'est une nouveauté, mais ça me fait replonger dans les années 80. 80, exactement. Ah oui. Du bon heavy metal, comme on aime. Ouais, c'est du AOR et c'était Andy Rock avec Promise et l'album s'appelle This Time. On replonge un peu, je sais pas si vous vous souvenez, les films un peu à la Jean-Claude Van Damme d'époque, Roadhouse avec le regretté Patrick Swayze qui a beaucoup fait rêver les nanas. Ben c'est vraiment cette musique-là dans les films des années 80. Oui, exactement. J'ai remarqué que ça revient de plus en plus à l'avant et maintenant, malheureusement, ces groupes, ils tournent beaucoup aux États-Unis, mais ils ne tournent malheureusement pas beaucoup en Europe. On devrait peut-être aussi leur donner la chance. Bah, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est la hyper mode, ça. Ouais. Que ici, c'est plutôt le néo. Ouais, c'est ça. Et oui. C'est tout ce qui est suédois, c'est bien brutal. C'est pas une question de brutal, c'est une question de mentalité, je crois que. Je veux dire, en plus aux États-Unis, ben chaque région ont leur musique plus ou moins. Voilà, on sait bien qu'en Californie, ça va être beaucoup de musique comme ça. Généralement, du côté de New York ou quoi, ça va être plus le bling bling, plus ouais, le. Ça va être plus rap et R&B. Rap, R&B, bon, tout ça, voilà. Même quand t'as du hard rock, si je peux dire ça comme ça, ça va être plus hard rock. Ce genre-là. Ouais. Ouais, tout à fait. Allez, on va s'écouter Klee Project avec Sutton Boys et le titre de l'album s'appelle The Long Way. Ça aussi, c'est une petite découverte. Une tuerie. Let me go. Now's my time to make. Alors voilà, retenez bien ce groupe, un Clip Project. L'album s'appelle The Long Way et c'est Sutton Boy. Ah, ça c'est super bon. Excellent. Je me doute. Excellent, comme on dit. Le prochain, c'est dans la même lignée. C'est un projet, encore une fois. Et c'est Root Brock Project avec You Again. Et l'album s'appelle Root Brock Project. Et vous allez voir, c'est encore une petite merveille. Et on arrive tout doucement vers les alentours de 21h. Ce sera la balade crapuleuse. Et là aussi, j'ai été recherché dans mes vieux albums. Un groupe que tu as connu, que j'ai connu. Malheureusement, on l'a eu dans le cul, on les a pas vus. Et pourtant, ils sont venus il y a très peu de temps, pas loin d'ici. Oh. Mais on les a pas vus, malheureusement. Pourquoi ? Manque d'informations, encore une fois. Ah, on n'a pas su qui passait. On a su, mais après. Voilà. Je vois pas qui. Tu verras. Je n'en dis pas plus d'ici 10 minutes. Mais quand tu vas le savoir, tu vas dire, oh merde. Et mais c'est... je le sais. Ah oui, tu le savais parce qu'on en a parlé après. Mais bon, vrai que on a tellement de... C'est vrai que... Il y a tellement de concerts. C'est vrai que les nids à balades, généralement, pour trouver vraiment les belles balades, on doit les puiser dans les années 75, voire jusque 90 plus ou moins, pour avoir vraiment des bonnes balades. Allez, on va dire même 95 avec les Guns, avec November Rain ou quoi, mais on n'essaye pas de vous mettre tout le temps les balades trop connues. Mais ce groupe est connu. Et voilà, je ne dis pas plus, il reste encore 10 minutes. Allez, voilà. Root Brock Project avec You Again, c'est pas mal. To be young again, to be strong. ça c'est le trip Rive d'Enfer. On a envie de la Ware. Bon, non, mais Rootbrock Project avec You Again, l'album. Bah, bon petit groupe. Bon petit groupe aussi. Ouais. Hein, qui mérite d'être connu. Excellent. Ouais. Aussi. Le prochain, La Rose en Feu, Rosis, si vous voulez, avec le titre Fire and Ice, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'album s'appelle Devil on High Hell. On a sonné Toc Toc. Entrée. Toc Toc. Voilà, donc j'ai ouvert. Alors, on va s'écouter donc le titre et on se retrouve tout de suite après. Bah là, c'est un peu plus rythmé quand même. Hein. C'est Fire Rose avec Fire and Ice, encore une nouveauté. Et juste avant de retrouver la fameuse balade crapuleuse, on va s'écouter encore une petite nouveauté. Un groupe qu'on a vu, qu'on a eu en interview. Le Slasher, il les a pas. Si, il les a vus, le Slasher aussi, donc tu vois. C'est In Flame qui nous vient avec un nouvel album. Le nouvel album s'appelle Battle. Et on va s'écouter Sauve-moi. Moi, je peux dire Sauve-moi de mes conneries, peut-être. Mais bon, Save Me, donc c'est pas mal du tout. C'est du In Flame, c'est du pur et grand In Flame. On espère aussi les voir bientôt sur scène de retour. Parce que certainement. Ça cartonne à fond. Hein, ça cartonne à fond. Sûrement splendide. Bah, n'importe où, In Flame, c'est très bon. Ah, c'est bon à voir. Ça. C'est bon à voir. Et ils sont en plus super gentils aussi. Ils sont sympas. Allez, In Flame, c'est parti. Voilà, c'est le nouveau In Flame, hein, Save Me, pochette, elle est pas mal, l'album il est bien, ça reste du In Flame, c'est bon, hein, c'est très bon. Il n'y a pas de changement, toujours le même genre. Ouais, on verra bien. On alors. Va faire une tournée. Alors. La balade crapuleuse. Mm-hmm. Eh ben, ils sont venus au Bebop, ils sont venus au Bebop, ils ont bien... ils ont eu leur moment de gloire, mais pas trop comparé à certains groupes. Pourtant, la voix, elle est magnifique. C'est le groupe Cinderella. Ah oui, Cinderella. On en avait discuté. Si on l'avait su qu'il venait, je l'avais dit. On l'avait su, mais je crois qu'il... Je t'avais dit même, tu veux pas venir ou ceci, cela, je sais plus. Tu m'as dit, oh, lui même, c'est loin. Moi, je ne saurais plus dire. Mais enfin, Cinderella était là. Ah si, je m'en souviens, je t'ai même dit la date et tout. Ah, peut-être. Donc non, on les a pas loupés. On les a loupés parce qu'on n'y a pas été. On les a pas vus. Bon. Et la balade, c'est extrait de l'album Night Song, c'est un de leurs meilleurs albums. C'est Nobody Fool, que dès qu'on entend les premiers accords, on se dit « Ah oui, c'était cette balade ». Et moi, j'adore le timbre de voix, même si ma préférée dans les balades de Cinderella, ça reste quand même la balade des cœurs brisés, Heartbreak Station. Mais là, j'ai dit « Non, je vais pas mettre celle-là, parce que marre tout le temps des cœurs brisés. Pour une fois, il n'y a pas des cœurs brisés, parce qu'il ne faut pas qu'écouter les mélodies dans les balades métal. Écoutez les paroles, et vous seriez vraiment étonné de ce que ces gens, en soi-disant qu'on croit que c'est des rocks, ils vont vous trouver des super paroles. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui traduisent ça. Et c'est un tort. Ouais. C'est un tort. Parce qu'il ne faut pas traduire que des chansons rythmées. Non. Il y a des chansons, des balades qui font vraiment... c'est ça, des fois, du vécu pour certains groupes. Ah oui. Et voilà, par exemple, je ne vais pas citer certains groupes, mais il y a des balades pour certains groupes de l'époque. Waouh, c'est vraiment du pur vécu. C'est vraiment du pur vécu. C'est ce qu'ils ont vécu dans leur... aussi bien à leur apogée que quand ils ont touché le fond, plus bas que le fond. Voilà. Alors, Cinderella, Nobody Fool, c'est la balade crapuleuse d'aujourd'hui. Je crois que ça va vous faire plaisir. Et nous, par contre, excuse-nous, nous, les deux dinosaures de là. Oui, voilà, les deux avec nous... leur haloir. Ça ne va pas nous rajeunir. Mais bon, on vous rassure, on n'a pas nos spandex avec nous. Mais bon, c'est l'époque. C'était l'époque où on mettait de la laque, où on n'avait pas l'air con si on mettait un bandeau dans les cheveux. Ouais, un bandana. Maintenant, tu mets un bandeau dans les cheveux, tu regardes. C'est qui lui? C'est qui elle? Je me balade avec mon bandana dans la rue, alors c'est fini. Ouais, où tu mettais, tu sais, ton grand foulard, tu sais, qui pendait bien loin, là, tu sais. Oh, ça, je le mets encore, moi. Ouais, mais une fille, ça passe encore. Moi, je mets ça maintenant. Ou alors, tu sais, tu attachais tes foulards au pantalon, tu vois. Ouais, ça aussi, je le fais encore. On va te regarder. Ou tu mettais des bottes en daim, là, tu vois. Avec des franges, on regardait. Ben, maintenant. Quoi qu'on en fait plus tellement des bottes en daim. Ah bah si, là c'est la grande mode des cuissards en daim. Ouais, mais tu me vois déjà... Attends, est-ce que tu me vois? Ferme les yeux, imagine Scream en cuissard en daim. Oh toi, je te vois très bien en tutu. Ah ça va, c'est bien sûr. Allez, Cinderella, Nobody's Fool, c'est tout de suite. Thank you. Mais quelle balade quand même. Belle balade. Ah ouais, franchement, ouais. Alors là, t'as bien choisi aussi. Cinderella, l'album, ben, 86 quand même. Hein. Ouais. 30 ans. 30 ans, jour pour jour. Enfin, jour pour jour, je sais pas si il est sorti au mois de novembre, mais 30 ans quand même. Cette balade a 30 ans, et quand on l'écoute, c'est, on pourrait dire, ben, elle est sortie aujourd'hui. Ouais. Elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité, quoi. Je suis persuadé, bon, maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, avant, quand on était tous jeunes, enfin, à part le Slasher qui est c'est le plus jeune de la bande, hein, il y avait encore des balles le vendredi soir ou le samedi, tu sortais dans ton village, dans ta ville, il y avait un bal. Tu mettais une balade, même crapuleuse. Enfin, ça, c'était déjà plus en Belgique. Hein. En Belgique, oui. Ou alors mais ici, comme c'est la frontière. En France, peut-être, mais plus village. Dans pas les village. Grosses villes comme Lille, Roubaix, Waterloo, il n'y avait pas. On va dire Lers, ouais, voilà. Cizoin, Saïe, Huyenne, tout ça. Et dans ces moments-là, dans les balades, il y avait dans les balades, il y avait toujours les fameuses séquences tendres et sentimentales. Ouais, voilà, exactement. Et ils mettaient des balades. Généralement, c'est des balades métalleuses. Il y avait une ou deux balades de variété qui marchaient très bien à l'époque. Et ils mettaient aussi une balade métalleuse. Et je suis persuadé que tu mettrais une balade maintenant comme ça dans un bal. Ça marche. Les gens, ils dansent. Ils dansent. J'en suis sûr. C'est indétrônable. Voilà. Un groupe, par contre, qui devait venir. On devait aller les voir. Et ils ont annulé, je ne sais pas pourquoi, c'est les Tigers of Pantang qui devaient venir au Splendid. D'ailleurs, on n'a jamais su pourquoi. Et, on n'a plus de nouvelles. Et, ils ont tourné ailleurs, mais pas au Splendid. Et il y a un nouvel album qui est arrivé, qui s'appelle, titre éponyme, Tigers of Pantang. Et là, on va s'écouter Dust. J'espère qu'ils vont quand même dire, ben, j'oublie pas les Lillois et on va revenir quand même. Parce que c'est un bon groupe et aussi, les Tigers. Au moment aussi, il y avait un groupe qui avait annulé aussi sa tournée, là, qui devait passer au Splendid. Oui, un groupe de. On avait même fait gagner des places. On avait même fait gagner des places, je tombe plus sur le nom aussi. Ça va nous revenir. Ouais, ça va nous ne revient plus non plus. Mais c'est vrai qu'il y en a eu deux comme ça. Deux groupes qu'ils ont annulés, ben, c'était suite, malheureusement. Ouais, voilà. Mais Tiger of the Pantang, on va s'écouter de nouveau. Et on va s'écouter Dust. Dust, voilà. Dust, Dust. Et d'ici un petit quart d'heure, un peu plus qu'un quart d'heure, on aura l'Acid Valsung. Waouh. Ah, c'est bon. Waouh, waouh, waouh. Tiger of the Painting Dust, extrait de l'album du même titre, titre éponyme, donc Tiger of the Painting. Ouais. Là, on va un peu se réveiller un petit peu plus avec les Dark Tranquility, l'album est nouveau, est tout frais, est tout chaud. L'album s'appelle Atoma. C'est vraiment plus, c'est pas du tout le même style, mais bon, voilà, je remercie Wilco de Hollande hein, de nous envoyer les albums aussi. Mais bon, voilà. Nous, on joue le jeu, hein, même si c'est un peu plus brutal, hein, on le fait. Neutrality, c'est le titre qu'on va s'écouter de Dark Tranquility. C'est parti. We'll be right back. Voilà, c'était les Dark Tranquility avec Atoma et c'est le titre Neutrality. Voilà, bon, c'est un peu plus violent, mais oui. Ce qui est assez marrant, c'est de voir un peu le, ce que je lisais un article dans la presse spécialisée, hein, qui est une des seules presses françaises qui reste. Je ne vais pas en faire une publicité, mais c'est la seule presse française donc, qui est le Rockard, enfin, qui est maintenant racheté par les Allemands. Hein. Il y a Rockard allemand qui est le même que le Rockard français, à part que c'est la langue qui change. J'ai été un peu étonné de voir que tous ces membres sont très très très calés en film, une filmographie, waouh, ils parlaient de leur film préféré, et franchement ça va de E.T. par exemple à des films d'horreur, donc ils sont vraiment pas bornés. C'est aussi qui fait une preuve que c'est pas des gens qui font peut-être de la musique brutale, qui sont vraiment satanisme, vraiment voilà. Violent quoi, voilà. Alors, là, c'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de croiser. C'est un monsieur que quand il est clean, ça va. Quand il n'est pas clean, il est super chiant. Il y a pas beaucoup de gens. Ouais, mais je te garantis que je crois qu'il tient le pompon. D'ailleurs, même l'année dernière, il s'est fait interdire du duel. Il s'agit de monsieur Anselmo, Phil Anselmo, ex-chanteur de Pantera. Et là, avec son projet qui s'appelle Super Joy, avant c'était Super Joy Ritual, maintenant c'est Super Joy, avant c'était Down, et on va s'écouter. L'album s'appelle Codes Up and the Gear of Applicate, et on va s'écouter A Shoal, c'est nouveau, c'est tout frais, c'est du Super Joy, c'est de l'Anselmo, voilà. C'est pas classé, c'est ce qu'il a toujours aimé faire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tout en sachant aussi qu'avant, Pantera, avant le fameux Cowboy From Hell, Pantera était classé dans le classement glam metal. Avec les deux ou trois premiers albums où Phil Anselmo n'était pas encore là. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti! Voilà, ben on reconnaît un peu Anselmo, hein, c'est un peu inspiré aussi de Dawn, Super John Ritual, moins de Pantera, parce que Pantera, on comprenait un peu plus les paroles. Hein. Voilà, donc c'était A Shoal, donc de Super Joy. Juste avant de retrouver la Sylvalsung, on va un peu calmer le jeu avec Sirenia. C'est nouveau, c'est tout frais, l'album s'appelle Dim Day of Dolor. On va s'écouter ce titre et après, ce sera d'ici 4 minutes 40 exactement, la Sidval Song. Eh oui. Voilà, c'est le nouvel album de Sirinia avec Day of Dolor. C'est pas mal, hein. C'est bon, c'est du métal féminin comme d'habitude. Mais bon, il y a un esprit. Il y a un esprit. Voilà. Alors, par contre, c'est pas mal, mais moi je voudrais bien en savoir un peu plus. Quelle est ta Sylvain Song? Parce que pour une fois, j'ai pas vu. Ah, t'as pas regardé, c'est bien. T'as joué le jeu. J'ai joué le jeu pour une fois. Écoute, moi je vais te mettre un petit ministry. Ah, ah. Ben, tu vas pas faire qu'un heureux, tu vas en faire plusieurs parce que Rico, notre directeur d'antenne, et qui anime aussi Tous les canards vont à la mare avec Maud, adore Ministry. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien Ministry. Oui. J'ai choisi Ministry pour changer un petit peu, pour l'ambiance des États-Unis aussi un petit peu en ce moment, n'est-ce pas? Donc, j'ai choisi le titre Hell to This Majesty. D'accord. Qui lui va ravir, je pense. Ouais. Donc voilà, et puis si jamais il m'écoute, mon ami Sean Callahan. Ouais. Il est tout à fait invité à venir chez moi. Chez toi ou en studio? Non, chez moi. Ah, vu qu'il a dit qu'il allait mettre tous les Mexicains dehors, donc moi je l'adopte sans problème. D'accord, mais t'es dégueulasse, il peut d'abord venir nous dire bonjour en studio. Ah, mais il viendra. Ah, il viendra, ça. On ira au cinéma ensemble, on ira partout ensemble avec lui. Hein. Gré manger un kebab ensemble. Ouais, voilà, très sympa en plus. Ou alors on a tortillage. Oui, on ira. Voilà. Ouais, voilà, ça sera plus Mexicanos. Voilà. Ok, ah ben, je te laisse annoncer ta Sylvassin. Ouais, donc, c'est le groupe Ministry avec le titre Hell to This Majesty. Voilà. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Yeah. Voilà. Alors, t'es surpris, je suis sûre. Tu t'y attendais pas, parce que d'avance, tu me dis, je vais remettre un truc calme. Tu t'es entendu, ouais. Je suis sûre que tu t'attendais ou un David Lirotte, un Ozzy. Un truc plus heavy. Ouais, voilà, et puis bingo, moi je te claque un bon Ministry, là. Ben, c'est bien, c'est bien. Et en plus, t'as fait plaisir à beaucoup de personnes, et j'en suis sûr, et même à Rico et d'autres auditeurs qui aiment bien de l'Indus. Ouais, si tu veux, je peux te faire un petit rappel vite fait des membres. Bon, ouais, vas-y. Son nom, il est plus à citer. Al Jourgensen, donc qui est le chanteur et qui joue un peu de guitare aussi entre deux. Chanteur très très impressionnant, très gentil. Mm-hmm. Alors, il y a mon favori là-dedans, c'est Sin Cairin, donc qui est guitare. Donc c'est le Mexicain qui arrive avec un bandana du style un peu Far West sur son visage, on voit que ses yeux. Mm-hmm. Il fait une entrée triomphante, lui. Après, il y a César Soto. Lui, c'est le guitariste leader. D'accord. Qui est vachement sympa. Un barbu avec des cheveux bien noirs. Super gentil. Il y a John Bechtel. Donc, lui, c'est plus un peu ce qui est synthé et compagnie. Mm-hmm. Et alors, il y a son batteur Roy Mayorga. Alors, lui, il a des bras, écoute, comme mes cuisses. Donc, tu vois ses biceps. T'as pas envie d'en prendre une, quoi. Ouais. Et après, t'as le bassiste. Mmh. Jason Christopher, bon, lui, espèce. D'accord. Voilà, j'en dirais pas plus, quoi. Il espèce. Ouais. Voilà. Et ben, mais bon, ils m'ont vachement plu, ces gens. Franchement, je les ai trouvés très, très, très agréables. Et j'insiste toujours sur le Mexicain Sin Cairin et César Soto qui se sont baladés dans l'Alcatraz. Ben c'est bien, c'est ça qu'on reconnaît aussi les gens. Et tu pouvais aller boire un verre avec eux et tout, hein, pas de problème. Bon, Al, peut-être moins parce qu'il est plus repérable. Mmh. Je crois qu'on ne peut pas le rater. Je crois qu'on va tous lui sauter dessus, quoi, c'est ça. Hein. Mmh. Mais un très bon choix et sincèrement, tu auras fait, des heureux aujourd'hui. Ça, tu vois, j'aimerais bien de les avoir en interview. Non. Ah, ça, c'est clair qu'un jour, si on peut... Ben, il faudrait, pourquoi pas. On essaierait de goupiller ça. En plus... Je ne vais pas te faire peur, mais c'est chez AFM, donc c'est plausible. C'est possible, il doit être trop sympathique, franchement. Ouais, c'est chez AFM Record. Rien que déjà le contact qu'il a visuel avec son public, tu vois vraiment qu'il aime bien son public, quoi. Et il baisse ses lunettes pour bien voir qui est là, qui n'est pas là. Bah, c'est un peu le même genre de lunettes que j'ai sur mes photos de Facebook, tu vois. Je les avais achetées en cause de ça, d'ailleurs. Mais voilà quoi, non, il est super génial. Je vais pas passer la soirée à parler de Ministry, mais c'est un personnage vraiment qu'on devrait rencontrer. Quoi. Ouais. Bah, ça pourrait se faire s'il viendrait du côté en France. Personnage passionnant, voilà. Voilà. Donc c'est, l'album s'appelle si vous avez aimé cet album, donc s'appelle From Beer to Eternity. Voilà. Beaucoup de tatouages égyptiens sur lui. Oui, mais déjà même la pochette là, on voit que c'est il se prend pour un dieu. Beaucoup de tatouages mythiques égyptiens. D'accord. Voilà. Eh ben, t'auras fait heureux Rico, voilà Ministry que j'espère revoir un jour. Bon, à mon avis, ils sont pas prêts de matériel à l'âge de guerre. Ça tourne pas par ici, ça tourne toujours Amérique latine et Amérique. Ouais. Et Australie. On va croiser les doigts. Alors, on continue avec Danger Angel. L'album s'appelle Old King Horse. Et on va s'écouter Dead in the Waters. are the days of plunder. The damage a man can do is a piece of his soul. These are the days you need to recall. These are the days of slumber. You wake up in another world. One day in your life. Danger Angel avec Dead in the Waters, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Ouais. All the Thing Horse, c'est le titre de l'album, c'est pas mal, hein. Ça change un peu. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est... T'as marqué Dead in Waters, c'est le titre. Là, on va s'écouter Dead in Finland. C'est, on est dans les dead. Dans les dead là, aujourd'hui, pas dans les dettes, dans les dead. Moi, dans avec... les dettes aussi. Ah oui, mais ça, moi... Cela ne nous regarde pas et ne vous regarde pas. Allez, Dead in Finland, l'album s'appelle Slave to the Greed. Et on va s'écouter Inside the Void. C'est encore une petite nouveauté. L'artwork est sur la page Rive d'Enfer. En tout cas, Dead in Finland, Inside the Void, c'est pas mal du tout. Hein. T'as remarqué, c'est très, beaucoup très d'envolées symphoniques et tout ça. On a quand même joué très calme aujourd'hui, quand même. Hein, ouais. Faut dire. On a été sage. Bah, il reste quand même quelques minutes. Hein. Je me rappelle, ce groupe qu'on va écouter s'appelle Burning Point. L'album s'appelle The Blaze. Et le titre, c'est Incarnation. C'est le nouvel album, le nouvel opus. Et la première personne qui nous a fait découvrir cet album, c'est une personne qui nous vient de, justement, de Finlande. Je vais dire du Mexique. Et c'est Jarko qui nous écoute, qui nous avait envoyé la première maquette de ce groupe. Et ce groupe, maintenant, ils sont quand même à leur troisième album signé quand même sur un label. Donc c'est pas mal, quoi. Donc voilà, on veut quelque chose, on y arrive. Et on va s'écouter le nouveau Burning Point, Incarnation. Bah, c'est pas mal du tout, c'est Burning Point avec Incarnation. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Ça passe très, très, très vite, l'émission. Le slasher, il est parti. Il nous a quittés, il y en a eu marre, je pense. Il s'est dit, je les laisse, voilà, eux deux. Voilà. Alors, nous, on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Rive d'Enfer. Mm-hmm. Toujours avec des nouveautés, beaucoup de nouveautés. On a le choix, il n'y a pas de souci. Et là, on va se quitter avec Raptor. L'album s'appelle Cymatic et on va s'écouter. Je sais pas si cette circonstance, heureusement, il y en a pas eu, parce que tout le monde sait qu'il y a eu un tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, oui. Et il y avait ils une ont alerte. Sacré raz-de-marée d'ailleurs. Ouais, ils ont, mais pas n'y a pas eu de victime avec le raz de marée. Et donc, ils ont eu une alerte à tsunami. Mmh. Et j'avais programmé même avant, c'est là depuis longtemps. Le titre, c'est Tsunami. Voilà, donc Sylvain, moi je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Rive d'Enfer. Si tout va bien, oui. Si tout va bien. Et le slasher qui se dépêche là, pour venir nous dire au revoir. Voilà. Re. Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Donc, tout à fait. Et là, et tout dans, à fait, monsieur Scream. Et dans deux semaines. Tout à fait. Dans deux semaines, ce sera déjà. Dans deux ou trois semaines, on commencera le fameux, la fameuse hôte de Noël. Et il y a du beau, hein, je peux vous dire. Il y a du beau. Je ne suis même pas au courant, moi. Comme d'habitude. Je suis au courant de rien. Suscite un secret, Valérie. Non, elle le découvrira avant. C'est parce que là, on n'a même pas encore tout noté. Parce qu'on attend de recevoir tout pour pouvoir les partager. J'ai eu beaucoup de travail dernièrement avec nos styles Panthère, Glorious et tout. Voilà. Donc j'ai pris du retard. On a pris tous du retard. On a encore du retard. Alors, Slasher, on se retrouve dans deux semaines, nous ? Oui, normalement, dans deux semaines. Dans deux semaines. Sylvain, la semaine prochaine. Je suis là. Voilà. Et moi, je serai là la semaine prochaine aussi. Allez, Ripter, Tsunami, c'est tout de suite, c'est maintenant, les amis. Ciao. Ciao, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend où on nous écoute, là. Ouais, ça dépend. C'est vrai, on peut dire une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit aussi. Ah oui. Voilà. Comme on nous écoute partout. Dans le monde entier. Canada, Texas. Amérique du Sud aussi. Amérique du Sud, maintenant. On embrasse bien nos amis latinos. Les Mexicanos. Les Mexicanos, les Argentinos. Argentina, Mexicano. Argentina, Mexicano. Ah, on voit bien qu'il commence l'espagnol, là, quand même. Hey. Allez, les amis, ciao, Ripter, Tsunami, c'est tout de suite. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Back to your mom.